Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça mousse ? Ouais, pas mal. Une belle semaine, n'est-ce pas ? Oui, et maintenant, c'est week-end. Yes, week-end. Il l'a fait, mon vieux. Enfin bon, avant tout, quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Allez, pour ce dossier Epsilon numéro 10, comme d'hab, commissaire Moulin, je vous la fais en trois briques. Madeleine. Madeleine ? Eh ben, Obama. Mais non, écoutez, deuxième brique. Combray. Combray ? Eh ben, Obama. Mais non, vous êtes lourd, là, écoutez bien. Questionnaire de... Ben, Obama. Arrêtez, on s'éloigne un peu de l'oncle Sam. On va plutôt faire un tour du côté de chez Swan. Ah, Marcel Proust. Eh ben, la grosse déconne ce matin. Encore que, ok, c'est moins glamour que Barack, mais je suis sûr qu'on peut trouver du lourd. Allez, allons-y. Étudions le dossier de ce curieux obsessionnel de l'analyse imprimée. Maniez-vous le train, les scribouillards ! Apportez le dossier de Monsieur Proust ! Allez, Marcel ! À table ! On va se montrer, hein ? Mais je suis affreux ! Je suis affreux, ma femme ! Votre public vous attend et mon dîner refroidit. Soyez raisonnable, je vous en prie. Docteur, je suis si malheureux, si vous savez. Non, c'est un petit coup de dépression. Non. Ça va se passer. J'ai envie de mourir, docteur, j'ai envie de mourir. Calmez-vous, monsieur Proust. Tout va très bien se passer. Dans l'heure qui vient, justement, nous allons vous ressusciter, voyez-vous. Alors bon, dites-nous merci, pépère, parce que franchement, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de vous, hein. Heureusement que le ministère psychique a bien ripère... que vous étiez un sacré loustique avec une architecture mentale pour le moins bien barrée. N'est-ce pas, professeur Mauduit ? Eh, un peu, mon neveu. Enfin, professeur Colin. Mais plus précisément, qu'est-ce qui nous chafouine chez Marcel Proust ? Eh bien, primo, ce fut un indécrottable narcoleptique, puisque longtemps, comme chacun sait, cette grosse feignasse s'est piotée à l'heure des poules. Ensuite, ses humeurs cyclothymiques sont évidentes. Un coup, j'ai perdu du temps, gna gna gna gna gna, le coup d'après, je l'ai retrouvé. Pff, c'est épuisant. Et enfin, comment ne pas s'inquiéter devant l'effrayante misanthropie proustienne. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écolier. Parmi les fioles, ces cahiers d'écolier, illisibles, il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main. Très bien, monsieur Cocteau. Mais on va bien voir s'il nous fait marrer, ce monsieur Proust, puisque nous allons approfondir ensemble ce matin la troublante psyché proustienne afin d'établir un diagnostic non négociable et savoir enfin réellement si les méandres psychologiques de Marcel Proust recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre singulière séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, monte le son, mon ami, et soyez les bienvenus. C'est la panique, et faites connaissance avec ce frappadingue météo-timique du ministère psychique. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue? on that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Tips his hat just like an English chappie to a lady with a wealthy pappy. Very snappy, you'll declare, it's simply topping to be there and hear them swapping smart tidbits, putting on the Ritz. Putting on the Ritz, c'est Fred Astaire sur France Inter, alors que Marcel Proust, lui, a Astaire au Ritz. Bien, je suis atteint de d'agoraphobie et de claustrophobie, ce qui s'arrange mal. Avant tout, le ministère psychique est ravi de cette confidence introductive offerte par le vénérable prince frivole qu'est Jean Cocteau, lequel a très bien connu notre étrange patient de ce matin, à savoir l'angoissé Marcel Proust, spécialiste des névropathes. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché, dans les expériences de vie du petit Marcel, tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychotiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale du valétudinaire Marcel Proust ? Avant tout, sache que Marcel, c'est le fils du docteur Adrien Proust, une sommité dans la communauté fermée de l'aristocratie médicale de la fin du 19e siècle et membre de l'honorable Académie de médecine. Pourtant, c'est bien connu, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et les médecins ont des enfants débiles et malingres. Du coup, le petit Marcel est de constitution fragile. Il tousse beaucoup, il siffle des poumons. En un mot, il est asthmatique et ses premières crises ont lieu vers ses 9 ans. Toute sa vie durant, Marcel est obsédé par son état de santé. Docteur, si dans 8 jours j'ai quelque chose de grave, est-ce que je peux compter sur vous pour que vous me le disiez ? J'ai combien de chances sur 10 ? Sur 10 ? 9 ? C'est pas mal, hein ? C'est jouable. Ah, c'est jouable ? Réellement 9, c'est jouable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chance. Il y a une malchance. Enfin, oui. Vous savez, la plus grande probabilité est de votre côté. Et c'est, s'il y a cette malchance, c'est une malchance radicale. 9 chances sur 10, alors vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous savez, il faudrait vraiment un concours de circonstances invraisemblable. Non mais vous parlez, je vous demande un truc hyper simple. Mais je vous ai répondu. Moi j'attends pas une chance sur mes mêmes, s'il y en avait une sur 1000, c'est trop. C'est hallucinant ce que vous êtes en train de me faire. Vous êtes en train de me parler, comme un grand... avec fonction, comme enfermé dans une fonction. Enfermé dans sa fonction de malade permanent, avec un asthme persistant, Marcel Proust... Marcel Proust, donc, est obsédé par son asthme, au point que sa dyspnée bronchique sifflante est devenue sa plus fidèle compagne. Mais une conséquence immédiate de cette obsession chez Marcel Proust pour sa santé pulmonaire, c'est son attention perpétuelle envers les variations météorologiques. Marcel Proust est obsédé par le temps qu'il fait. Primo, il regarde sans cesse par la fenêtre s'il y a de gros nuages ou du brouillard. Ensuite, le baromètre est son idée fixe Et enfin, le thermomètre devient son véritable maître. Oui, le temps recherché par Proust, c'est le temps qu'il fait, celui de la météo. Quel temps bizarre aujourd'hui. Eh oui, c'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait en parler du temps qui fait. Ben non, c'est justement pour éviter de dire des foutaises qu'on parle de la pluie du beau temps. Ben des foutaises, j'en écris aussi pas mal, seulement personne ne veut les éditer. Ah, toujours pas. 30e refus. Et votre cousin, la critique littéraire, hein. Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant parmi les vautours qui vivent de leur plume. Et en effet, en 1913, Marcel Proust ne réussit pas à convaincre Gaston Gallimard de publier son roman du côté de chez Swann, tout simplement parce que Gallimard, conseillé par André Gide, ne voulait pas d'un bouquin de conseils météorologiques du genre « Ben, si les vaches courent la queue en l'air à Combray, il y aura de l'orage à Illier » ou encore « Ciel pommelé comme femme fardée sont de courte durée ». Et oui, André Gide, il s'en méfie du Marcel et de son obsession du temps qu'il fait. Marcel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Marcel, Marcel, quand je l'appelle, moi je l'appelle Marcel. Il ne répond pas, mais il approche de sa démarche gauche. Et l'on peut voir dans son regard comme une lueur d'intelligence. Il sait de quoi j'ai envie. Il n'est pas si bête, il sait que c'est de son vie. Pour record d'athlète, je pose ma main sur son gros bras que marre. Rive-t-il, ça fait-il, il me susurre le curieux refrain. Tiens, voilà du boudin. Et puis en roulant les airs, oh le grand Migo, il me dit je vais te faire. Fameux coup du légionnaire et du sable chaud. Dans la légion étrangère, j'aime son heureux caractère. Toutes ses affaires, c'est pour ça que je dis que l'amour, même sans amour, c'est quand même l'amour qu'on prend qui peut. Comprend qui peut pourquoi André Gide a déconseillé à Gallimard la publication du côté de chez Swann. D'ailleurs, Gide a toujours regretté son erreur, d'autant plus que le manuscrit a été récupéré par un autre éditeur, Bernard Grasset, qui l'a publié. Enfin, à compte d'auteur quand même, hein. Bon, il faut avouer qu'entre-temps, Marcel y avait apporté quelques modifications. Toujours dans ses obsessions météorologiques, avec la crainte de la pluie et du brouillard qui provoquaient ses crises d'asthme, eh bien Marcel, pour fuir les jours pluvieux, il a recherché les beaux jours de son enfance. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin. Ah ben oui, hein, le souvenir des filles en fleurs est aussi efficace qu'une fumigation de feuilles d'eucalyptus pour un Marcel Proust chez qui la maladie asthmatique devient une obsession mentale. D'ailleurs, le maniaque du temps qu'il fait et du temps qui passe va s'imposer un étrange rythme de vie pendant plus d'une dizaine d'années. Il reste le plus possible prostré dans sa chambre du boulevard Haussmann, une pièce tapissée de liège pour atténuer tous les bruits de l'extérieur. Marcel est donc vautré sous la couette et garde les persiennes baissées pour ne plus voir les nuages s'accumuler dans le ciel. Et oui, enfermé dans cette chambre fermée, Marcel Proust cherche à se libérer de son obsession permanente pour la météo et pour le temps qu'il fait. Par chance, ses amis ne sont pas Alain Gilot-Pétré ni Evelyne Delia, mais bien Jean Cocteau, Reynald Dohan ou bien encore Paul Morand qu'il a rencontré en 1915. C'était au mois d'août 1915. J'avais devant moi un personnage de 1905, avec une figure très pâle, une barbe qui repoussait comme de la moisissure de fromage, très bleue autour du menton, des grands yeux très bistrés, des cheveux noirs épais, des dents magnifiques, et une voix très douce, très insinuante, mais en même temps avec beaucoup d'autorité. Il avait un chapeau melon gris, je le vois encore, sa plisse avec un vieux col de loutre tout usé, une cravate qui ne tenait pas à son col, le col tenait mal à la chemise, il avait la chemise empesée qu'on avait à ce moment-là, il se battait continuellement contre cette chemise qui bâillait sous sa cravate, la cravate remontait sur le col. Bref, exactement la mode de 1905, époque à laquelle il s'était couché pour ne plus se relever qu'une ou deux fois de temps en temps. Et en effet, Marcel Proust a passé les 15 dernières années de sa vie le plus souvent couché, le jour, dans son lit et attendant la nuit pour être un vivant. Une dérive psychotique draculesque. L'obsession de Marcel Proust pour le temps qui passe est un inquiétant symptôme de ses déviances psychiques. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que les dispositions psychologiques de Marcel Proust sont de réelles indispositions pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien, professeur Colin. Je vous le dis tout de suite, ce Marcel Proust est un cas très inquiétant. Parce qu'il a un gros problème de communication, ce bonhomme. Et d'un coup, vous voyez, moi, je trouve légitime que M. Gallimard ait refusé, en 1913, de publier Du côté de chez Swann. Bon, déjà parce que cette mésaventure a depuis permis à tous les auteurs à qui on refuse un manuscrit de dire à l'éditeur « Ah ouais, mais Proust aussi, il a été refusé, connard !» Non, si M. Gallimard n'a pas édité Proust, ce n'est évidemment pas à cause de l'œuvre elle-même. C'est parce que l'écrivain était impossible à vendre, de quoi rendre fou un attaché de Prest. Je vous explique. Vous le savez, professeur Colin, Marcel Proust a passé 15 ans de sa vie reclus dans sa chambre, et ce n'est pas bon signe, parce que quand on est écrivain et qu'on veut réussir, il faut se montrer. Et déjà, question look, il y a du boulot. Proust, il doit prendre de l'assurance et changer sa vieille pelisse. Si Marcel s'en mange dans les médias, il doit faire un effort, puisque s'en mange Marcel, ce n'est qu'un débardeur. Alors attention, un débardeur, c'est un coup à choper froid, et pour son asthme, moi je pense que le mieux déjà, pour Proust, c'est qu'il se soigne. Et comme look, à la télé, je lui conseillerais, je ne sais pas trop, la mèche rebelle, avec chemise ouverte pour faire écrivain, philosophe, contestataire et romantique. Ou alors au choix, il a comme dégaine possible écrivain provoco-crado-dépressif. Oh, sinon on peut lui proposer un mélange des deux, ce qui donnerait un truc, un bidule, comme une espèce d'oiseau mythique pour qui on ne sait pas trop où est le panache et encore moins où est le bec. Parce que pour réussir dans la littérature aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut faire des efforts. Il faut aller à la télé. Pas question de continuer la trempette dans la tisane de Tata Léonie. Maintenant, c'est thé à la bergamote au café Picouli, même si c'est pas facile. Ainsi, au lieu de raconter ses atermoiements psychiques avec des phrases alambiquées, Marcel aurait mieux fait d'aller direct chez Mireille Dumas. C'est super ça pour raconter toutes ses petites névroses avec sa maman ou sa cousine. Mireille, c'est une sainte. Une vraie sainte beuve. Pour qui la vie de l'auteur et la hauteur du vie expliquent souvent l'œuvre de l'écrivain. Et puis, c'est l'occasion pour Marcel de mettre les masques à bas et la plume où il veut. Alors, c'est certain, si Marcel Proust veut passer à la télé, il va falloir être plus efficace, mettre de l'action et surtout un peu de bonne volonté pour être moins compliqué. Par exemple, quand Marcel Proust nous raconte qu'Odette de Crécy, la cocotte coquine de Swann, ressemble à Zéphora, fille de Jétro, peinte par Botticelli dans la chapelle Sixtine, mais j'ai trop peur que ça n'évoque rien à personne. Pour être efficace, il faut dire qu'Odette, elle ressemble à Paris Hilton ou, je ne sais pas, au mois d'octobre du calendrier Pirelli, ça c'est un truc qui parle aux gens quoi. Allez Marcel, sois raisonnable. On ne peut plus se contenter de la petite phrase de la sonate de Vinteuil pour créer des émotions. Il faut être trash si tu veux aller chez Fogiel. Et puis bah, là-bas, ce sera assurément l'occasion de découvrir ce qu'est vraiment le temps perdu. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient, troubles catatoniques évidents. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales que cherche à enterrer notre patient, Monsieur Marcel. Monsieur Marcel est fossoyeur, comme il y en a beaucoup ailleurs. Mais son sommeil est élastique, il est narcoleptique. Il n'est pas rare qu'entre deux mottes, il s'endorme droit dans ses bottes. Ça ne gêne que les survivants de revenir le jour suivant. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préviens. creuser. S'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse? Hier, la veuve d'un général qui avait cru entendre des râles a fait rouvrir le monument, tout ça pour quelques ronflements. Il faut croire qu'avoir des galons donne à sa veuve le bras long. Il a suffi qu'elle le déploie, Monsieur Marcel n'a plus d'emploi. Mais, vieille rompière, pour ta mise en pierre, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais, vieille rompière, pour ta mise en pierre, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? À dormir sous la bruyère, près du canal, je préfère me savoir dans un gruyère artisanal. Moi, je veux un monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelle? Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse, à la pelleteuse. Monsieur Marcel, c'est celui que nous présente Renan Luce. Mais Luce n'eût cru que la psychologie de Monsieur Proust ait été aussi fascinante. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors, avant d'aller plus loin, rappelons ici combien la référence à l'œuvre proustienne constitue plus que jamais un redoutable marqueur de distinction sociale. Vois-tu, lors d'un dîner, par exemple, tente l'expérience suivante. Au moment où les convives dégustent la succulente compotée de choux farcis au foie gras de la maîtresse de maison, balance ainsi à la cantonade. Eh bien, je relisais encore Proust ce week-end et... Franchement, Madame de Guermantes m'ennuie. Immédiatement, tu vas provoquer l'angoisse autour de toi et un silence glacial va s'installer car, bien entendu, personne n'aura lu Proust. Et pour se sortir d'affaire, ton voisin de gauche n'aura rien de mieux à te répondre que pour lui ce soir, Marcel Proust, c'est avant tout le chou farci. Outré par un tel dédain collectif à l'égard de l'œuvre proustienne, tu mépriseras ce goujat. Et pourtant, tu auras tort, car figure-toi qu'en fouillant les aspérités refoulées chez notre patient, tu seras surpris d'apprendre qu'en réalité, Marcel Proust n'avait qu'un seul désir, celui de devenir un comique troupier. Oui, et ce, tout au long de sa vie. Aujourd'hui, nous devons montrer un Proust qui, sans cesser d'être profond, devient amusant. Dans la tradition de sa famille, il trouvait celle de l'humour. On devine à travers ses lettres, à travers les différents récits de ses amis, une charmante gaieté familiale, des moqueries affectueuses, des citations ironiques, des imitations. Et beaucoup nous ont parlé du rire de Proust, de ce rire étalé, irrésistible, un peu enfantin, ce rire de collégien qui, jusqu'à la fin de sa vie, pouffe derrière sa main. Derrière sa main, Proust pouffe, car en effet, il entretenait un authentique esprit caustique. Et c'est du côté de chez maman qu'il faut chercher l'hérédité de ce caractère potache. Grande bourgeoise, Jeanne Veil, la mère du petit Marcel, n'était jamais en reste d'une bonne déconne. D'ailleurs, elle a su lui enseigner les bonnes manières d'une façon très particulière. Vous faites souvent des gaffes lors de dîners chics ou de déjeuners élégants et vous devenez tout rouge. Bref, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ce n'est pourtant pas très compliqué. Voici le truc le plus simple, la fourchette. Prenons, si vous le voulez, le cas d'une gaffe classique. Vous êtes à table, par exemple, avec l'ambassadeur de Bulgarie et son épouse, Olga. Vous ne savez pas très bien quoi leur dire. Alors, pour être aimable avec l'ambassadeur, au moment des œufs brouillés, vous dites « Vraiment, Excellence, je trouve votre vieille mère très sympathique pour son âge. » Waouh ! Grushka ! En voyant la tête d'Olga, vous réalisez votre gaffe. Pour vous en sortir, il faut aller très vite. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, vous prenez votre fourchette, vous vous jetez par terre, vous soulevez la nappe et vous plantez la fourchette dans le pied de l'ambassadrice. Forcément, avec une telle ambiance à la maison, Marcel Proust a fini par avouer à ses parents son désir de se lancer dans une carrière de comique. Oui, sauf que là, certes, la Mifa Proust voulait bien déconner deux minutes, hein, mais fallait pas non plus que le fiston devienne un saltimbanque. Cela dit, trop tard, le verre était déjà dans le fruit. Mais devant les inquiétudes de sa mère, Marcel a souvent dû se justifier quant à ses choix professionnels. C'est vrai, tu sais, mon esprit est... C'est bizarre, j'ai la tête constamment pleine de nouveaux sketchs, d'idées, de gags, plein de trucs brillants. Tu pourrais trouver du travail quelque part. Ah oui, et je ferais quoi? Tu me vois ramasser les ordures des autres? Non. Balayer les rues? Bien sûr que non, non, tu es intelligent, on finira par t'offrir ta chance. Mais j'ai cette chance exceptionnelle qui est de savoir comment faire rire, comment faire oublier aux gens leur triste vie. Écoute, c'est pas ma faute si cette stupide tournée est catastrophiquement organisée par un minable. En effet, durant l'été 1894, l'apprenti comique que fut Marcel Proust avait entamé une tournée aux grandes dames de ses parents sur les plages normandes à l'ombre des parasols en fleurs entre Cabourg et Trouville-sur-Mer. Et malheureusement, son premier sketch, intitulé « Les plaisirs et les jours », n'a pas vraiment trouvé son public. Mais Marcel a persévéré et il a fini par décrocher quelques dates dans certains cabarets de Montmartre où chaque soir il mettait en scène son nouveau spectacle à la recherche du temps perdu, un truc à se tordre de rire. L'autre blague importante pour moi, ça donne un truc dans genre, je paraphrase. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s'allongeait, filait, atteignait l'extrême limite de sa tension jusqu'au bord où le courant le reprenait et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ qu'elle n'y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre. Bip, bip ! Bip, bip ! Retourne-y. Si, si, vas-y. Non, vas-y. Quand la mayonnaise est prise, il ne faut plus y toucher. Eh oui, la mayonnaise, tout ça, c'est tout Proust. Le sens de la formule littéraire, bien sûr. C'est ainsi que le succès comique de Marcel Proust a commencé à pointer le bout de son nez. D'ailleurs, possédé par le démon de l'humour, Proust ne cessait constamment de faire le con, y compris avec son entourage. Et à ce propos, une anecdote croustillante. En mai 1905, Marcel invita deux de ses plus proches amis à venir passer un week-end dans sa maison familiale en Eure-et-Loire, à Illié précisément. Mais perdus en route, Reynaldo Hahn et Alfred Agostinelli ont alors appelé Marcel pour qu'il les aide à retrouver leur chemin. Et là, Marcel s'est bien marré avec la géographie proustienne. Allô ? Allô ? C'est quoi ton problème ? Peut-on vraiment en parler ? T'es où là ? À Combray ? Hey ! On est où là ? Entre Bakel et Touba. On est entre Bakel et Touba et toi t'es où ? On est où là ? Du côté de Méséglise, à Montjouvin, maison située au bord d'une grande mare. Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Entre Bakel et Touba. Neuf-Pont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec. Mais oui, mais plus pas de Bakel ou de Touba ? On n'est plus pas de Bakel ou de Touba ? On aurait de Bakel ou de Touba ? Puis à Combray, prendre par l'Est pour aller à l'Ouest. Kif-kif. C'est kif-kif. À l'habiter, Combray est un peu triste. Oh merde ! On n'est plus près de Bakel ou de Touba ? Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bayeux-l'Exan. Oh, fais chier ! Putain de pays de bordel de merde ! T'énerve pas, le Turc, il va nous péter une durite, ce serait dommage. Comment vous êtes allé du côté de Guermantes ? Je te donne rendez-vous demain, à Touba, à midi. Où ça ? À Touba ! Mais où est Touba ? Devant l'église ! Combray, de loin, à 10 lieues à la ronde, ce n'est qu'une église résumant la ville. Y'a pas d'église ici ! Tu me fais chier ! Devant la mosquée ! On y sera. Allons, prenez les couvertures, on est arrivé. Excusez-moi, là, je pourrais récupérer mon portable ? Toi, ta gueule ! Oui, au début du XXe siècle, Marcel Proust aurait bien pu devenir le roi du gag. Seulement voilà, rattrapé par les lourdes contraintes de son milieu social, Marcel Proust a fini par renoncer et tout réécrire pour transformer son œuvre comique et magistrale en un patrimoine littéraire mondial. Mais dorénavant, tu auras au moins compris ce matin qu'il faut absolument relire toute l'œuvre proustienne sous l'angle de ce caractère refoulé chez Proust. Tiens, prenons un exemple, son sketch le plus célèbre, celui de la Madeleine. Comme chacun sait, dans le premier volume du Côté de chez Swann, ce petit gâteau dodu, trempé dans une tasse de thé ou de tilleul, devient brusquement déclencheur, non du simple souvenir, mais du fait de revivre quelques instants une scène de son enfance. Eh bien, figure-toi que le manuscrit raturé du roman nous révèle qu'à l'origine, c'était une tranche de pain grillé qui aurait dû être trempée dans le thé. Eh, bien sûr, car au départ, c'était écrit pour être un sketch de cabaret, inspiré non pas d'une madeleine, mais d'une biscotte de Proust. Et voilà, le thé au lait et les biscottes. C'est distingué ta façon de manger. Oh, on dirait une pelleteuse. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Ben oui, alors, il se redresse tout seul. Ah oui? Oui. Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Et le thé se boit paisiblement en surveillant son petit doigt. Allez. Et d'abord, pour commencer, on se tient droit. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, maintenant? Ne pleurniche pas, je t'en prie, ne pleurniche pas chaque fois que je te fais une observation. C'est pour ton bien, non? Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer, oui, c'est ça, c'est bien. Viril, mais non, mais tu le fais exprès. Oh. Tu m'en veux, hein? Ça va encore. Non, non, non. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. La pleurniche encore, c'est fini, oui. Oh. Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main oui. De fer dans un gant bleu. D'accord, oui. C'est maintenant. C'est ça, bon, la alors. Biscotte de l'homme. Ah, quel dommage que Marcel Proust n'ait point persévéré dans sa veine de comique. Mais bon... Afin d'approfondir nos recherches sur le prétendu refoulé psychologique de notre patient, nous avons demandé à l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, de mener une enquête un peu plus pointue sur les hypothétiques zones d'ombre psychiques chez Marcel Proust. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur le refoulé proustien. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Paris, 1871. Naissance de Marcel Proust. Fils d'un père médecin et d'une mère héritière, Marcel grandit à Auteuil, dans un milieu assez bourgeois. Auteuil-Onipassy, tel est son ghetto. Et question ghetto, c'est surtout Madeleine. Bref, en 1882, Marcel entre au lycée Condorcet et se fait des potes dignes de son rang. On est tous des potes au Bahut qu'on s'est rencontrés. Et puis, si tu veux, on a surtout pris sur les cours de maths, quoi. On privilégie surtout les paroles, mais aussi le texte. Mais, je veux dire, c'est monstrueux au niveau de l'inspiration. Je veux dire, c'est large. Ça va autant de Heidegger, passant par... De Lorraine. Avec ses sabots d'ondaine, Marcel excelle en rhétorique et ne se contente pas que d'écrire les mots, il les chante. Et en 1889, son bac en poche, Marcel compte bien faire carrière dans la musique et se lance ainsi à la recherche du tempo perdu. Profitant alors de son milieu social, il fréquente les plus grands salons parisiens, dont celui de Madame Strauss, veuve du compositeur Georges Bizet, comme par hasard. Les dîners de cette dame étaient tout un événement. Il devait y avoir du beau linge à rencontrer. Oui, effectivement, il y avait du beau monde. Anatole France, Jacques-Émile Blanche et même Oscar Wilde. Alors finalement, vous en êtes ? Pardon ? Du dîner, vous en êtes ? Pardon, oui. Oui, merci, excusez-moi. Une fois cette question d'identité résolue, Proust s'inscrit à la Sorbonne en 1892. Et toujours avec son groupe de potes, il fréquente plus les bars du quartier que les salles de cours. Il y avait moi et mes trois droguises. Nous étions installés au Korova Milk Bar à nous creuser le rasoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du lait plus. Nous, on en était au drink rum. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. La violence. Elle figure surtout dans le rythme des soirées qu'enchaînent Marcel et ses potes. Longtemps, ils se sont couchés de bonne heure. Tu m'étonnes, vers les 6-7 heures du mat en fait. Participer aux soirées, c'est bien, mais les organiser, ce serait encore mieux. Ainsi, lors d'une énième virée à Trouville, c'est au manoir des Frémont que Marcel et son orchestre vont tenter de mettre une ambiance de ouf. Marcel et son orchestre, bonjour. Guten Tag, Rudi. J'ai lu à différentes reprises dans la presse spécialisée d'Outre-Rhin qu'on vous considérait comme la révélation de la nouvelle scène country rock new wave allemande. Pouvez-vous nous faire écouter ? Da, Rudi. Tous semblent batifoler gaiement et se sbaudir de fort bon cœur. Admettez que tant d'inconscience juvénile a de quoi surprendre, hein? Je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne déjanté du ministère psychique pour son point de vue contradictoire sur le refoulé a priori glam rock, donc, chez notre patient, Monsieur Proust. Il me fait une dépression. Tout à coup, il veut plus rien faire. Pourquoi es-tu déprimé, Alvi? Dis-le au docteur Flicker. C'est venu après une lecture. Tu as fait une lecture, hein? L'univers, il est en expansion. L'univers est en expansion? Il faut voir que l'univers, c'est tout. Alors, s'il en est expansion, un beau jour, il va exploser. Et ça, y a pas, ça sera la fin de tout. Mais ça te regarde pas, tout ça. Il en arrive à plus faire ses devoirs. À quoi bon? Alors, après avoir trifouillé les différentes aspérités refoulées chez notre patient Marcel Proust, passons immédiatement à la propagation contemporaine des syndromes proustiens. Eh oui, mon ami, car bien entendu, face à un tel client, comment ne pas chercher à localiser où se nichent les dérivés psychotiques hérité de notre formidable patient asthénique. Eh bien, pour commencer, comme d'habitude, nous avons donc soumis son dossier à une analyse critique inspirée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beaujolais, a tenté d'expertiser les influences de la psyché proustienne dans les pratiques politiques contemporaines. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses de Monsieur Proust résonnent aujourd'hui dans notre landerneau. L'expert jungien, pointez-vous au labo! Analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Je l'ai mis sous hypnose, il va en sortir très bientôt. Voyez-vous, nous avons fait quelques séances d'analyse afin de l'aider à venir à bout d'un complexe névrotique sérieux. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Tout part de là. Je veux être le porte-parole de la France qui se lève tôt. Parfois, à peine ma bougie éteinte. Qui ne demande rien d'autre que la liberté pour elle de travailler pour assurer la promotion sociale de sa famille. Mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « Je m'endors ». J'ai bien étudié ton cas. Je sais pourquoi tu souffres. Remonte à ta petite enfance, rappelle-toi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras le corps. Je refusais d'abord. Parce que je sais, au fond de moi, en tant que mère, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France. Et je ne sais pourquoi, me ravisait. Ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelée Petite Madeleine. J'ai toujours gardé un attachement profond, celui du cœur pour cette commune du Rayol, où j'ai passé, je dois le dire très sincèrement, les meilleures années de ma jeunesse. Tu es un pépé, ta mère et ton père se disputent. D'abord, je veux vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Et c'est à cause de toi qu'ils ne s'entendent pas. Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. C'est un vaste sujet, un très vaste sujet, un immense sujet. Soyons un peu plus précis. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. L'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Oui, un édifice immense. C'est également ce qu'est devenu l'œuvre monumentale de Marcel Proust. Sache par exemple qu'il demeure encore aujourd'hui l'écrivain français le plus traduit et le plus diffusé à travers le monde. Résultat, comme sa littérature n'est rien d'autre qu'une auto-analyse en creux, il est évident que les névroses proustiennes continuent de squatter inlassablement notre univers. Inévitablement, Marcel Proust hante nos consciences. Oui, mais vois-tu, un tel succès ne peut échapper aux attaques sournoises de quelques âmes obscures. C'est ainsi, mais depuis quelques années, un redoutable mouvement anti-proustien veut détruire l'aura de la recherche du temps perdu et a décidé de flinguer la mémoire de notre patient. Ils sont en général dans une situation d'opposition et se coucher tard est une façon de manifester leur indépendance et parfois leur opposition. Et puis, physiologiquement, ils deviennent des couche-tard, c'est-à-dire ils ont un retard de phase. Et vous comprendrez facilement que s'ils deviennent des couche-tard et qu'ils sont obligés de se lever tôt naturellement, on arrive à une privation de sommeil qui peut avoir des conséquences tout à fait importantes. Alors qui sont-ils, ces fanatiques du couche-tard, quand on sait combien il était essentiel pour M. Proust de se coucher de bonne heure? Que veulent-ils? À quoi servent-ils? Eh bien, tentons d'identifier qui se cache derrière cet effroyable gang anti-Proust. Vois-tu, les racines de ce mouvement seraient apparues soi-disant au début des années 70, étonnamment chez des fanatiques d'Émile Zola, de vrais naturalistes, qui se sont fait appeler au bonheur des dames et qui se sont fait connaître justement sur le dos du pauvre Monsieur Proust. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles, alors je l'ai accompagné. Arrivé devant son HLM, il me dit j'aime pas les PD. Mais bon, là, visiblement, avec cette faction anti-Proust du bonheur des dames, il s'agissait avant tout d'une charge littéraire lancée par les partisans de l'Assommoir. Une querelle germano-pratine, au final assez traditionnelle, saine et sans dommage. En revanche, au cœur des années 80, le front anti-proustien s'est réellement durci et c'est là que s'est amorcée la véritable campagne visant à réduire l'œuvre magistrale de notre patient à quelques broutilles et galéjades comme le célèbre questionnaire de Proust. Le questionnaire. Alors, votre mot préféré. Toyota 430H hybride, c'est-à-dire moitié électrique. Votre drogue favorite. Votre drogue favorite. Oh, bah alors là. Ce qu'on appelle le flex fuel, un mélange avec 85% d'éthanol. Très bien. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Nicolas Sarkozy, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment de très très loin la personne qui peut nous influencer, nous amener vers un projet dont on a vraiment besoin. Moi je pensais que vous alliez me répondre Jésus. Oui, parce que c'est mon humour, je pense avoir quand même assez d'humour. Le son, le bruit que vous aimez. C'est ainsi que la force de l'œuvre proustienne s'est vue réduire la face par les médias à tel point qu'à New York, tiens-toi bien, James Lipton, dans sa célèbre émission de l'Actor Studio, clôt désormais son interview par ce qu'il appelle systématiquement le questionnaire de Bernard Pivot. On rêve. Mais bon, il y a pire encore aujourd'hui dans l'entreprise de destruction gynécologique des œuvres de Marcel Proust. Des fois, j'ai du mal à dormir. Je souffre, hein. Tu perds des amis. Quand vous lisez le programme de Nicolas Sarkozy? Non, pas du tout, au contraire. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Attendez, j'ai une phrase, parce alors, que j'ai une dédicace à faire. Faites-la. Alors, c'est de Proust. Alors, la vraie vie, découverte, éclaircie, c'est la littérature. Et, il veut évoquer l'affaire Dreyfus quand il dit ça. Alors, tu vois, je te fais passer un message et je te dis qu'on peut s'engager et pas que être dans le romantisme. Oui, bon ben alors là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Quand le pauvre monsieur Proust devient la caution du sous-rap français, c'est mort, l'attaque est beaucoup trop violente. Cela dit, attention. Car figure-toi qu'au sein de nos propres murs, au ministère psychique, nous avons avec nous quelques vrais tarés qui vouent une adoration sans borne à l'authentique littérature proustienne. Et heureusement qu'ils sont là pour entretenir la véritable mémoire des affres proustiens. Et d'ailleurs, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre ce petit présent. Nous sommes réellement de plus en plus inquiets, mais c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, approche mon gars Proust, à la tienne Étienne, Marcel. On te connaît bien ici, tu sais, on a tous tes bouquins, toute ta recherche du pain perdu, toutes ces pages pour pondre une recette, on peut dire que t'es pas un avare de la veuve poignée. Ouais, tous tes bouquins, on les a ici, on s'en sert de sédatifs. Quand un gars est trop speed, on lui file à lire, tu peux être sûr qu'il pionce entre deux virgules. T'es très connu ici, mon gars Proust. À table, quand on veut du sel, on dit passe-moi le Proust. Bah oui, le sel de Guermantes, c'est ton pays, non? Ouais, quand on veut boire un coup en douce, on dit on va se taper un petit Proust. Bah oui, du côté de chez Schnaps, c'est bien toi, non? Ouais, sacré Proust, t'as du style. En tout cas, tu sais manier le français. Mais moi, j'ai affaire. Alors maintenant, tu peux te casser, allez, oust. Grand défenseur de la langue, oust, angouste. Tout ça, c'est de ta faute. Faut pas me pousser, le haut marabout. Le haut marabout, je suis trop con. Ha ha ha! Earthbeat, c'était Neka, car il n'est qu'à poursuivre notre séance en confrontant notre patient au redoutable diagnostic différentiel de sa personnalité. Mais il est complètement fou, ce mec! Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point M. Marcel Proust demeure aujourd'hui encore une menace permanente pour notre société. Un gros oisif mondain qui finit sa vie vautré sous la couette. Non mais franchement, c'est pas possible ça. Surtout quand le bonhomme révolutionne la littérature au point qu'il y a un avant et un après Proust. Dans la littérature, certes, mais aussi dans nos destins personnels. Par moments, je voudrais m'endormir jusqu'à mes 18 ans. Pour échapper à toute cette merde, le lycée et tout, sauter tout ça. Tu connais Marcel Proust? Le gars sur qui tu donnes des cours? Oui, un écrivain français. Un loser toute catégorie. Il n'a jamais travaillé. Des histoires d'amour bancales, gays. Il a passé 20 ans à écrire un bouquin que pratiquement personne n'a lu, ce qui ne m'empêche pas d'être le plus grand écrivain depuis Shakespeare. Enfin bref, lui, en arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie, qu'elles avaient fait de lui ce qu'il était et que toutes les années de bonheur avaient été une perte de temps. Il n'avait rien appris. Alors, si tu t'endormais jusqu'à tes 18 ans, oh, pense à toute cette souffrance que tu raterais. Le lycée, tiens, surtout le lycée, ce sont les plus belles années de souffrance. C'est de la souffrance de première qualité. Alors, question souffrance. Le ministère psychique a donc décidé de libérer notre patient, puisque Marcel Proust eût été ravi de rester enfermé dans une chambre capitonnée. Allez, arrêtez de chialer comme une madeleine! Foutez-moi le camp, Marcel! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais... Qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 10e consultation du ministère psychique consacrée ce matin à l'écrivain proustien Marcel Proust. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel-Omanet, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Henri Bérec, merci, c'était parfait. Mais aussi merci beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et Julien Dugast et Cyril Baer pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique est très fier d'accueillir une clope à la main, le sulfureux et magnifique Serge Gainsbourg. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin, à 11h et en direct sur France Inter, pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, consacré demain matin aux élections américaines. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer, pour la prochaine fois je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?